Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 6, du samedi 29 septembre 1883. Page 4, colonne 1. Actualité politique. Le courrier de Worcester. Il y a peu de pays où la vie politique soit aussi active qu'aux États-Unis. La période de 4 ans pour les élections présidentielles des membres du Sénat et du Congrès de Washington est la plus longue. Quoique d'une durée très restreinte et de manière à ne pas trop exciter l'ambition des hommes politiques, chacun des États, dans sa constitution particulière, l'a limité à 1 an ou 2 ans au plus. Cette exubérance de vie publique serait de nature à porter de mauvais fruits dans tout autre pays qu'aux États-Unis. Mais le caractère américain, ayant beaucoup de similitudes avec le caractère phlegmatique de l'anglais, les élections se font sans bruit et sans animation apparente. Chacun a le bon sens de ne pas appuyer ses opinions par des démonstrations de provocation, de sorte que les conflits et les voies de fait entre électeurs sont toujours très rares. L'année dernière, les républicains du Massachusetts ont été défaits par les démocrates pour l'élection de M. Butler comme gouverneur. Ce résultat néfaste a été attribué à diverses fautes que le parti aura la sagesse de ne plus commettre à l'avenir. Quand l'union fait défaut, en politique surtout, il y a peu de chances de succès. Et c'est justement quand on se croit trop fort qu'on manque de prendre les mesures requises pour prévenir les défections ou empêcher l'entrée de mauvais éléments dans le camp. Cette année-ci, le Parti républicain se trouve en présence du même adversaire. Non content de sa première réussite, il se déclare disposé à en tenter une seconde. C'est ici qu'il court évidemment à sa perte. Nous sommes loin de contester à M. Butler de bonnes et nombreuses qualités, mais il en a aussi de très mauvaises. Son administration partiale et son manque d'initiative dans la voie des réformes lui ont aliéné les sympathies d'un grand nombre d'électeurs qui l'avaient honoré de leur suffrage l'année dernière. Il a de plus contre lui le défaut d'être connu maintenant. Pour arriver à s'asseoir dans le fauteuil du gouverneur, il avait promis Mère et Monde. On était curieux de savoir ce que cette tête remuante et d'une intelligence originale serait capable de faire. On le voit actuellement. Sauf une enquête de Tewksbury qui a tourné à sa honte et l'a condamné à l'impopularité, il n'a absolument rien fait. Donc, la période de temps pendant laquelle M. Butler a passé au pouvoir, au lieu de le recommander, le condamne. Aux élections de novembre, il n'aura plus pour lui que les démocrates qui forment le noyau du parti et le vote indépendant lui fera totalement défaut. Une chose que M. Butler a eu le tort de ne pas prendre en considération, c'est qu'un fonctionnaire public du rang de gouverneur ne se moque pas impunément d'une population intelligente comme celle du Massachusetts. Quels que soient les honneurs dont un peuple républicain entoure ses premiers magistrats, il n'oublie jamais que ce sont des serviteurs publics qu'il a le droit de mettre à la porte quand ils ne donnent pas satisfaction. Ce qui explique la grande activité du Parti républicain et l'importance qu'il accorde aux élections de novembre, dont la signification est autant nationale que locale. Nous sommes de ceux qui croient à l'avenir de la République et à sa sauvegarde par l'intervention de ce grand parti politique, le mieux qualifié pour marcher dans la voie du progrès et des réformes dans les lois de l'administration. De tous côtés, l'organisation des comités fonctionne avec énergie, car il ne s'agit plus de marchander la victoire ou de s'endormir sur les lauriers des temps passés. On remarque avec plaisir l'adhésion nouvelle de beaucoup de personnes de haute influence et qui se tenaient depuis longtemps loin du champ d'action de la politique. Les coups portés à l'honneur et la bonne réputation du Massachusetts les ont tirés de leur indifférence, et tous les républicains, jeunes et vieux, se rendront au scrutin pour protester contre les tentatives d'un ambitieux qui n'aurait jamais dû être gouverneur de notre État. mais ses moments sont comptés. Le peuple lui signifiera de décamper le 6 novembre prochain, et l'accomplissement de cet acte de souveraineté sera l'inauguration d'une ère nouvelle qui permettra à l'honnêteté de reprendre sa place dans l'administration de nos affaires publiques. Il ne faut pas oublier non plus que toutes les fois que le Parti républicain s'est organisé dans notre pays pour mener une élection, la victoire lui a toujours été fidèle. Le Massachusetts est un État en majorité républicaine. C'est pourquoi nos amis les démocrates ne seront pas surpris d'une nouvelle défaite. Ils ont déjà été battus tant de fois qu'ils doivent en avoir pris l'habitude. Les démocrates ont eu leur convention d'État à Springfield mercredi dernier. L'Assemblée, présidée par le colonel Jonas H. French, était nombreuse. Le gouverneur Butler a été nommé candidat par acclamation. On parle de F.O. Prince de Boston comme lieutenant-gouverneur, de Charles H. Ingalls de North Adams, trésorier, et de Charles Levy Woodbury, procureur général. Il sera demandé au Congrès la révision du tarif, la protection de nos pêcheries et de prendre en considération les questions ouvrières. Le suffrage des femmes recevra aussi l'appui du parti. Faute d'espace, il est remis au prochain numéro un article sur la 5e Convention des Canadiens français de l'État du Massachusetts qui a eu lieu à Boston les 18 et 19 de ce mois.